Bonjour. Aujourd'hui, je veux répondre à une question importante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? C'est une question qui a été demandée au Christ à quelques reprises dans les Évangiles. Bon, premièrement, nous ne sommes pas tous des méchants, mais nous sommes tous mauvais, par exemple, quelque part. Il n'y a personne, un tant soit peu honnête, qui peut dire le contraire. Tous les êtres humains sont des pécheurs. Nous ne commettons pas tous de graves péchés, mais nous sommes tous des faiseurs de péchés à notre façon. Nous sommes tous plus ou moins sales devant Dieu, et nous avons tous besoin d'un sauveur. Et nous avons tous besoin d'être lavés. Le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être racheté. Nous pouvons également être rachetés de nos péchés gratuitement par la mort du Christ. Ce qu'il nous faut, c'est avoir une foi confiante et totale en Jésus-Christ, renoncer sincèrement à nos penchants ou à nos mauvaises habitudes, et prendre l'engagement de vivre selon l'Évangile au meilleur de nos capacités. Vous avez peut-être essayé souvent sans y parvenir, mais quand vous aurez l'Esprit de Christ en vous, tout vous sera possible. Certains vont peut-être dire encore « c'est au-dessus de mes forces, je n'arriverai jamais à suivre Jésus-Christ ». Votre crainte est bien humaine, mais rassurez-vous, tous les chrétiens qui ont existé dans le monde ont tous suivi Jésus-Christ en boitant. Nous ne sommes pas Jésus-Christ, nous sommes seulement ses disciples. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits, il nous demande seulement de le suivre de tout notre cœur et de fournir des efforts honnêtes pour mener une vie sainte. Même ses propres disciples se demandaient quelquefois comment ils pourraient arriver à le suivre. Mais rassurez-vous, vous serez surpris des choses que vous réussirez à faire ou à arrêter de faire quand l'Esprit de Jésus sera venu habiter en vous. Dans l'Évangile de Luc, ses disciples lui ont demandé « Seigneur, qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alors la vraie vie chrétienne est une vie qui se vit par la foi et la confiance. Ne regardez pas trop loin en avant. Vivez un jour à la fois. Si vous trébuchez, faites comme moi, relevez-vous. Laissons-nous laver par le sang de notre Sauveur. Classons nos fautes parmi les expériences instructives et continuons à faire de notre mieux. Un jour, vous regarderez en arrière et vous direz « Mon Dieu, comme j'en ai fait du chemin depuis cette époque. » Et comme ce que je trouvais si difficile au commencement est devenu facile aujourd'hui. Dans le psaume 37, il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Si ce message vous a touché et que vous voulez recevoir l'Esprit de Jésus en vous, changer de vie et être sauvé, faites cette prière avec moi. « Mon Dieu, je désire sauver mon âme et vivre de façon à te plaire. Je veux obtenir de toi la grâce de marcher derrière toi et de suivre tes enseignements. Il y a tellement de choses à changer en moi, mais je te ferai confiance. Je suis ton problème maintenant. Je me jette à tes pieds, Jésus. Je t'implore de me donner ton Esprit Saint. Je crois que tu es le Christ, le Sauveur du monde, que le Père a envoyé du ciel pour mon salut. Amen. » Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.